Imagine la scène au ralenti. Bar mal famé, mec, pas gentil. Vulgaire sont les quelques femmes. Ambiance en fumée, regard au coin, rien que la crème. Pour ces gars-là, souris, c'est fini. Robe rouge débarque, cheveux d'ébène, le comptoir se casse la nuque. Je me démène, je sais ce que boit la demoiselle. Aux yeux de gazelle, donc je mêle un peu de vodka et ce qui donne le désert. Pose le verre en silence, elle ne calcule pas. Et à chaque pas, on dirait qu'elle danse, on dirait qu'elle pense que le monde n'existe pas. Je n'insiste pas, car je sais ce qu'elle manigance. La dame travaille, je ne vais pas l'embêter. Les proies vont s'empêtrer, leur cœur pas de taille, ni leur porte-monnaie. Pas assez de maille, et moi je smile. C'est avec le barman qu'elle va rentrer. Meufs, il va falloir que tu m'aimes un peu. Même si je sais que la vie n'est qu'un jeu, j'ai du mal à venir malgré mes coups de bluff. Faudra que tu m'apprennes un peu. Ça va toi, d'ailleurs tu deviens quoi? Et me sors pas de mytho, j'en vends de combat, ces jours prolongés au comico. Car tu sais quoi, tu n'as que l'odeur du psycho. Donc baisse les bras et va plutôt laver tes chicots. Tu n'es qu'un mico, tu pensais me dominer. Va donc jouer au domino avec tes cheveux gommés. Mais tu n'es qu'un mino, Gigi et moi combiné. Comme Bernino et je crois qu'un oiseau au dit. Mais j'ai pas terminé, juste ouvert le robinet. Je check le micro et je suis large pour te piner. Bande dessinée, je pèse les mots. Fais gaffe, tu vas halluciner. Tu aimes les faux, allez, va tapiner. Retrouve tes copines et on se retrouve dans la matinée. Tu fais ce déco, non, c'est du ciné. Tu check des gros et la ferme avec ta dulcinée. Tu testes mes bros, non mec, c'est faux. Je te pète les os, même les pros en perdent les mots. J'ai dit, tu testes mes bros, mec, c'est faux. Je te perce les os. Prends le numéro perso du kit, mais je vais t'exterminer. Te faire du mal, te ruiner. Te brancher en 220 volts et tu vas t'illuminer. Pour dominer, saigner les flots, se lécher les crocs, je suis fait des déchants, je suis déjà calciné. Plus costaud que Bernard Né. Le mec est plus gonflé que Bernard Né. Ça demande, je vais te faire chier.

donc je m'en fous de ta vie. En plus de ça, c'est ma place ici. Un chien, je t'ai trop senti arriver, mais bientôt tu seras reparti. Allez, bye bye, salut, bien essayé. Mais nous, on voulait être libres. Tu voulais la certitude d'être payé. Et nous, juste peut-être vivre. Zoulet de suivre comme des animaux. Crier, lève les bras liés. On croit que c'est beau la vie, comme chez Haribo. Toi, tu voulais des lingots malgré les parts. À s'amasser les liasses qui t'a donné ton âge. J'en ai déjà dit trop. La frousse, j'en ai pas, je suis chaud. La bourse, c'est du casino. Voilà le casino. Je suis pas Casimir pour me calmer. Faut quasiment une camisole et quatre schizo. Ramène les fous qu'on jacte. L'affaire est triste avec les gens sans d'esprit. Amenez tous, vont se battre. La paix.